À l'occasion de la journée des soleils, le corps des attachés militaires en Corée a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le doyen du corps, Roman Osvaldo Jiménez Ortega, attaché militaire cubain, les a transmises le 12 au général d'armée Park Yong-sik, ministre des Forces armées populaires.